Elle logea chez son conducteur, sur le canal d'Ekaterinsky, et quelque temps fut comme perdue dans cette grande ville avant de savoir ce qu'elle devait entreprendre et comment remettre ses lettres de recommandation, ce qui lui fit perdre un temps précieux. Le marchand, occupé de son commerce, ne songeait guère à elle. Il s'était cependant chargé de trouver la demeure de la princesse de T. Mais avant d'avoir accompli sa promesse, il fut obligé de partir pour Riga, laissant Praskovi sous la garde de sa femme, qui la traitait fort bien, sans pour cela lui être d'aucun secours pour ses projets. La lettre de Madame de G était adressée à une personne qui logeait de l'autre côté de la Neva. Comme l'adresse était bien détaillée, Praskovi, quelques jours après le départ du marchand, se mit en chemin, avec son hôtesse, pour Wasili Ostro. Mais la Neva était ébranlée. La débâcle des glaces approchait, et la police ne permettait plus le passage. Elle revint donc au logis, désolée de ce contretemps. Dans l'embarras où elle se trouvait, un des habitués de la maison du marchand lui conseilla très mal à propos de donner une supplique au Sénat pour obtenir la révision du procès de son père, et s'offrit de trouver un écrivain pour la rédiger. Le succès de celle qu'elle avait adressée au gouverneur de Tobosk la décida. On lui fit écrire une supplique très mal conçue et n'ayant pas la forme requise, sans lui donner la moindre notion sur la manière dont elle devait être présentée. Ce projet ne lui permit pas de remettre avec l'activité nécessaire ses lettres de recommandation, qui auraient pu lui être bien plus utiles. Munie de sa supplique, notre intéressante solliciteuse se rendit un matin au Sénat, monta le grand escalier et pénétra jusque dans une des chancelleries. Mais elle se trouva fort embarrassée parmi tant de monde, ne sachant à qui s'adresser. Les secrétaires dont elle s'approchait avec sa supplique lui jetaient un coup d'œil et se remettaient froidement à écrire. D'autres personnes qui la rencontraient dans la chambre, au lieu de l'écouter ou de recevoir sa supplique, se détournaient d'elle, comme on ferait d'un meuble ou d'une colonne qui barre le chemin. Enfin, un des invalides, garde de la chancellerie, qui traversait rapidement la salle, l'ayant rencontrée, se détourna sur la droite pour passer, tandis que Praskovi en faisait autant du même côté pour lui faire place, de manière qu'ils se heurtèrent rudement. Le vieux garde, de mauvaise humeur, lui demanda ce qu'elle voulait. La jeune fille lui présenta sa supplique en le priant de la donner au Sénat. Cet homme, la croyant une mendiante, pour toute réponse la prit par le bras et la mit à la porte. Elle n'osa plus rentrer et demeura le reste de la matinée sur l'escalier dans l'intention de présenter sa supplique au premier sénateur qu'elle rencontrerait. Elle vit plusieurs personnes descendre de voiture et monter l'escalier, ayant des étoiles sur la poitrine. Elles avaient toutes une épée, des bottes et un uniforme. Quelques-uns avaient des épaulettes. Elle pensa que c'étaient des officiers et des généraux, attendant toujours de voir arriver un sénateur, qui, d'après l'idée qu'elle s'en était formée, devait avoir quelque chose de particulier qui le ferait reconnaître, et n'offrit sa supplique à personne. Enfin, vers 3 heures après-midi, tout le monde s'écoula, et Praskovi, se voyant seul, se retira la dernière, fort étonnée d'avoir vu tant de monde au Sénat sans rencontrer un sénateur. À son retour, elle fit part de son observation à la marchande, qui eut beaucoup de peine à lui faire comprendre qu'un sénateur était fait comme un autre homme, et que ceux qu'elle avait vus étaient précisément les sénateurs auxquels elle aurait dû remettre sa supplique. Le lendemain, à l'heure de la rentrée du Sénat, elle se trouva sur l'escalier et présenta son écrit à tous les arrivants, pour ne pas manquer les sénateurs sur la nature desquels il lui restait encore quelques doutes. Mais personne ne voulut la recevoir. Elle vit enfin arriver un gros monsieur avec un cordon rouge, un uniforme rouge, une étoile de chaque côté de la poitrine et l'épée au côté. Pour cette fois, se dit à elle-même, la solliciteuse, c'est un sénateur où il n'y en a point dans le monde. Elle s'approcha de lui et lui présenta son papier, en le suppliant de vouloir bien lui donner cours. Comme elle barrait le chemin, un laquais du sénateur l'écarta doucement du passage de son maître, croyant qu'elle demandait l'aumône, lui dit « Dieu vous bénisse » et monta l'escalier. Praskovi retourna pendant plus de 15 jours au Sénat sans obtenir plus de succès. Souvent fatiguée de rester debout dans un escalier froid et humide, elle s'accroupissait sur une démarche pour réchauffer ses pieds glacés, cherchant dans la physionomie des passants et des employés quelques signes de compassion et de bienveillance, qu'elle y aurait certainement trouvé s'ils avaient connu sa situation. Telle est la constitution de la société dans les grandes villes. La misère et l'opulence, le bonheur et l'infortune se croisent sans cesse, et se rencontrent sans se voir. ce sont deux mondes séparés qui n'ont aucune analogie, mais entre lesquels un petit nombre d'âmes compatissantes, marquées par la Providence, établissent des points rares de communication. Un jour, cependant, un des employés, qui l'avait sans doute remarqué précédemment, s'arrêta près d'elle, prit la supplique et sortit de sa poche un paquet de papier. La malheureuse conçut un instant d'espoir, mais le paquet était une somme d'assignation parmi lesquelles il en prit une de 200 roubles. La mit dans la supplique et, rendant le tout à la suppliante, rentra dans l'appartement et y disparut. Praskovi, toute déconcertée, serra l'assignation. « Je suis sûr, disait-elle un jour à son hôtesse, que si un frère de Madame Milin se fût trouvé parmi les sénateurs, il aurait pris la supplique sans me connaître. » Les fêtes de Pâques, pendant lesquelles le Sénat ne s'assemble pas, lui donnèrent quelque repos. Elle en profita pour faire ses dévotions. En se livrant à ce pieux exercice, elle renouvela ses prières pour le succès de son entreprise. Et telle était la sincérité de sa foi, qu'après sa communion, elle revint persuadée qu'on prendrait sa supplique au Sénat la première fois qu'elle s'y présenterait. Ce qu'elle n'hésita pas d'annoncer à la marchande comme une chose certaine. Cette dernière était bien loin de partager son espérance, et lui conseilla d'abandonner cette voie. Cependant, comme le jour de la rentrée du Sénat, elle avait des affaires au quai anglais. Voyant Praskovi s'acheminer à pied, elle lui offrit de la conduire en drobski. « Je ne sais, lui disait-elle en chemin, comment vous n'êtes pas découragé de tant de démarches inutiles. À votre place, je laisserai là le Sénat et les sénateurs, qui ne feront jamais rien pour vous. C'est tout comme, ajouta-t-elle, en lui montrant la statue de Pierre le Grand qui se trouvait près d'elle. C'est tout comme si vous offriez votre supplique à cette statue que voilà. Vous n'en obtiendriez rien plus. J'espère, répondit Praskovi, que ma foi me sauvera. Aujourd'hui, je ferai ma dernière démarche au Sénat, et l'on prendra sûrement ma supplique. Dieu est puissant. Oui, ajouta-t-elle en descendant du drobski. Dieu est tout puissant, et peut, si telle est sa volonté, forcer cet homme de fer à se baisser et à prendre ma supplique. La marchande à ces mots fit un grand éclat de rire, et Praskovi revenue de son enthousiasme en rit elle-même. Cependant, elle n'avait exprimé que sa pensée. Tandis qu'elle examinait la statue, sa compagne lui fit observer que le pont de la Neva, qui était tout près, était replacé. Des voitures sans nombre se rendaient à Vasili Ostrov et en revenaient. « Avez-vous la lettre de recommandation pour Madame L ?» lui demanda-t-elle. « Je ne suis pas pressé, je puis vous conduire à sa porte. » Il était de bonne heure encore, et Praskovi y consentit. Elles passèrent le pont, le fleuve, qui n'était 15 jours auparavant qu'une plaine de glaçons mouvants, dégagé maintenant de toutes ses neiges et couvert de vaisseaux et d'embarcations de toutes espèces, la surprit agréablement. Tout était en mouvement autour d'elle. Le temps était superbe. Elle sentait redoubler son courage, augurant bien de la visite qu'elle allait faire. « Il me semble, dit-elle en embrassant sa conductrice, que Dieu est avec moi et qu'il ne m'abandonnera pas. » Elle trouva Madame de L, déjà prévenue de son arrivée, par une lettre d'Ekaterinembourg, et reçut d'obligeants reproches lorsqu'on apprit qu'elle était depuis si longtemps à Pétersbourg. La réception affectueuse et cordiale qu'elle éprouvait lui rappela vivement la maison et la société de Madame Milin. Lorsque la connaissance fut faite et la familiarité bien établie, Praskovi développa le plan qu'elle avait formé pour obtenir la délivrance de son père et compta les démarches infructueuses qu'elle avait déjà faites au Sénat. Monsieur de L examina sa supplique et trouva qu'elle n'était pas dressée dans les formes. « Personne mieux que moi, lui dit-il, n'aurait pu vous aider dans cette affaire. Un de mes proches parents occupe un emploi d'assez grande importance au Sénat. Mais je vous avouerai, comme je le ferai à une ancienne connaissance et à une amie, que nous sommes brouillés depuis quelque temps. Cependant, l'occasion est trop belle, et la brouillerie de trop peu d'importance pour que j'hésite à faire les premiers pas. Nous voilà d'ailleurs au temps de Pâques, et je serais charmé que vous soyez la cause de notre réconciliation. » On garda la jeune fille à dîner. Plusieurs convives arrivèrent peu à peu, et lui témoignèrent le plus vif intérêt. Au moment où l'on allait se mettre à table, le parent dont on a parlé se présenta, tout à coup, dans la salle à manger en disant « Christos vos res », suivant l'usage au temps de Pâques. Il n'y eut point d'autre explication que les embrassements les plus sincères. Monsieur de L, profitant de la bonne disposition de son parent, lui présenta la jeune sibérienne. On s'entretint de son affaire pendant le dîner, et tout le monde convint qu'en lui conseillant de s'adresser au Sénat, on lui avait indiqué une mauvaise voie. La révision du procès de son père, en suivant toutes les formes de la justice, aurait pu durer bien longtemps. On pensait qu'il serait beaucoup plus avantageux de s'adresser directement à la bonté de l'empereur, et l'on promit d'en chercher les moyens avec le temps. Enfin, tous les convives l'avertirent de ne plus s'exposer aux aventures du Sénat, dont le récit avait fort amusé la société. Vers le soir, Madame de L. la fit reconduire chez le marchand par son domestique. En revenant chez son hôte, Praskovi admirait comment la Providence l'avait conduite chez Monsieur de L., au moment de la réconciliation des deux parents, et comme pour les lui rendre favorables. Et lorsqu'elle passa devant le Sénat, elle se rappela la prière qu'elle avait faite à Dieu de ne plus y retourner qu'une fois. Sa bonté, pensait-elle, a fait plus que je ne lui avais demandé, car je ne serai plus obligé d'y retourner. Et cet homme de fer aussi m'a rendu service, par la grâce de Dieu, dit-elle, en regardant la statue de Pierre le Grand. Sans lui, je n'aurais peut-être pas vu que le pont était rétabli. Je n'aurais pas fait la connaissance de ces bons amis qui m'ont promis leur secours, et par la protection desquels j'espère obtenir la liberté de mon père. Telles étaient les réflexions de Praskovi, dont la foi la plus vive dirigeait et soutenait toutes les démarches. Cependant, malgré tout l'intérêt que prenaient à elle ses amis de Vassili Ostrov, son bonheur devait avoir une autre source. L'hôte de Praskovi, revenu depuis quelques jours de Riga, avait été surprise de la trouver encore chez lui, et s'était mise aux enquêtes pour trouver la maison de la princesse de T, pour laquelle la jeune fille avait une lettre de recommandation. Cette dame, prévenue aussi de l'arrivée prochaine de la jeune voyageuse, l'attendait chez elle. Le marchand la vit, reçut l'ordre d'amener Praskovi. Celle-ci quitta la maison qu'elle avait habitée pendant 2 mois, et surtout sa bonne hôtesse, avec beaucoup de regrets, mais la protection d'une grande dame favorisait tellement ses espérances que ce puissant intérêt l'emporta bientôt sur sa tristesse. Lorsqu'elle arriva chez la princesse avec son conducteur, le portier lui ouvrit la porte. Praskovi, le voyant tout galonné, crut que c'était encore un sénateur, qui sortait de la maison et lui fit la révérence. « C'est le portier de la princesse, lui dit à voix basse le marchand. » Arrivé au haut de l'escalier, le portier donna 2 coups de sonnette dont elle ne comprit pas bien la raison. Mais comme elle avait vu quelquefois des sonnettes à la porte des boutiques, elle pensa que c'était une précaution contre les voleurs. En entrant dans le salon, elle fut intimidée par l'air de cérémonie et par le silence qui y régnait. Jamais elle n'avait vu d'appartement si orné, et surtout si bien éclairé. La société était nombreuse et disposée en groupe. Les jeunes gens jouaient autour d'une table dans un coin de la chambre, et tous les regards étaient fixés sur elle. La vieille princesse était à une partie de Boston avec 3 autres personnes. Dès qu'elle aperçut la jeune fille, elle lui ordonna de s'approcher. « Bonjour, mon enfant, lui dit-elle, avez-vous une lettre pour moi ?» Malheureusement, Praskovi avait oublié de la préparer et fut obligé de tirer un petit sac de son sein et d'en sortir péniblement la lettre. Les jeunes personnes présentes chuchotèrent et riaient tout bas. La princesse prit la lettre et la lut avec attention. Pendant ce temps, un des partenaires qui avait arrangé son jeu et que cette visite ennuyait fort jouait impatiemment des doigts sur la table en regardant la nouvelle arrivée qui venait troubler son plaisir et qui crut reconnaître en lui le gros monsieur qui avait refusé sa supplique au Sénat. Lorsqu'il vit la princesse replier sa lettre, il dit d'une voix formidable « Boston !» Praskovi, déjà déconcerté, voyant qu'il la regardait fixement, crut qu'il lui adressait la parole et répondit « Que vous plaît-il, monsieur ?» Ce qui fit rire tout le monde. La princesse lui dit qu'elle était charmée de connaître sa bonne conduite et son amour pour ses parents. Elle promit de lui être utile, et après avoir dit quelques mots en français à une dame de sa maison, elle la congédia d'un signe de tête. Pendant les premiers jours qu'elle passa chez sa nouvelle protectrice, Praskovi se trouva fort isolée et fort embarrassée. Elle aurait préféré être retenue chez ses amis de Vassili Ostrov, ou même chez le marchand. Cependant, après quelques jours, elle fut tout à son aise dans la maison et fit connaissance avec les personnes qui l'habitaient. Les domestiques étaient aussi obligeants que leur maîtresse était bonne et généreuse. Elle mangeait à la table de la princesse que son grand âge et ses infirmités empêchaient souvent de paraître et n'avait jamais l'occasion de lui parler en particulier. Bientôt, les personnes de la société s'accoutumèrent à sa présence et ne s'occupèrent plus d'elle. La jeune étrangère avait souvent fait parler à la princesse du but de son voyage et de ses espérances. Mais soit que cette dame en regarda le succès comme impossible, soit que les personnes qui s'étaient chargées de la protéger l'eussent négligée, ses prières n'eurent aucun résultat. Et toutes ses espérances étaient uniquement fondées sur la protection de ses amis de Vassili Ostrov qu'elle voyait assez souvent. Pendant qu'elle était encore chez son premier hôte, un officier de la chancellerie Monsieur V, secrétaire des commandements de Sa Majesté l'impératrice mère, lui avait conseillé de présenter une requête pour obtenir des secours et s'était chargé lui-même de la faire parvenir. Monsieur V, croyant secourir un pauvre ordinaire, lui avait destiné 50 roubles et lui fit dire de passer chez lui. Elle s'y présenta le matin lorsqu'il était en ville et fut reçue par Madame V, qui l'accueillit amicalement et qui entendit le récit de ses aventures avec autant de surprise que de plaisir. La jeune fille était enfin sur la route qui devait la conduire bientôt à l'accomplissement de tous ses vœux. Madame V la pria d'attendre le retour de son mari, et dans la longue conférence qu'elles eurent ensemble, cette dame sentit redoubler l'intérêt qu'elle avait conçu au premier abord pour Praskovie. Lorsque les personnes d'un vrai mérite, lorsque les âmes bonnes se rencontrent pour la première fois, elles ne font point connaissance. On peut dire qu'elles se reconnaissent comme de vieux amis, qui n'étaient séparés que par l'éloignement ou l'inégalité des conditions. Dans la première heure que Praskovie passa chez cette dame, elle reconnut avec transport cet accueil simple et cordial qu'il ne l'avait jamais trompée dans ses espérances, et pressentit son bonheur. Elle trouvait dans son cœur plus de confiance qu'elle n'en avait jamais éprouvée. Ses prières, écoutées par la bienveillance et entretenues par l'espoir, eurent toute la chaleur qui devait en assurer le succès. À son retour, M. V partagea les sentiments de son épouse et ne voulut point offrir à la jeune fille le secours qu'il lui avait destiné sans la connaître. Comme il devait retourner à la cour incessamment, il promit de la recommander à Sa Majesté, si le temps et les affaires le permettaient, et la pria de dîner chez lui pour recevoir sa réponse. L'impératrice ordonna que Praskovie lui fût présentée le même soir à 6 heures. La voyageuse ne s'attendait point à tant de bonheur. Lorsqu'elle en reçut l'assurance, elle pâlit et fut prête à se trouver mal. Au lieu de remercier M. V, elle leva vers le ciel ses yeux pleins de larmes. « Oh mon Dieu !» s'écria-t-elle. « Je n'ai donc pas mis en vain mon espoir en vous. » Pleine du trouble qui l'agitait, et ne sachant comment témoigner sa reconnaissance à son nouveau protecteur, elle baisait les mains de Madame V. « Vous seul, lui disait-elle, êtes digne de faire agréer mes remerciements à l'homme bienfaisant, dont j'attends la délivrance de mon père. » Vers le soir, sans rien changer à son costume simple, on donna quelques soins à sa toilette, et M. V la conduisit à la cour. En approchant du palais impérial, elle pensait à son père, qui lui en avait représenté l'entrée comme si difficile. « S'il me voyait maintenant, disait-elle à son conducteur, s'il savait devant qui je vais paraître, quelle joie n'éprouverait-il pas ? Mon Dieu, achevez votre ouvrage !» Sans faire la moindre demande sur la manière dont elle devait se présenter, ni sur ce qu'elle devait dire, elle entra sans trouble dans le cabinet de l'impératrice. Sa Majesté la reçut avec sa bonté connue et l'interrogea sur les circonstances de son histoire, qu'elle désirait connaître. D'après le précis que lui en avait fait M. V, Praskovie répondit avec une assurance modeste, comme aurait pu le faire une personne possédant l'usage du monde. Elle parla du but de son voyage, persuadée de l'innocence de son père. Elle ne demanda point sa grâce, mais la révision de son procès. Sa Majesté loua son courage, sa piété filiale. Elle promit de la recommander à l'empereur, et lui fit remettre aussitôt 300 roubles pour ses premiers besoins, en attendant de nouveaux bienfaits. Praskovie sortit du palais, tellement pénétrée de son bonheur et de la bonté de l'impératrice, que lorsqu'à son retour, Madame V lui demanda si elle était contente de sa présentation, elle ne put répondre que par un torrent de larmes. Pendant son absence, une dame de la maison de la princesse de T, de la voyant pas revenir depuis le matin, interrogea le domestique qui l'avait accompagné, et apprit de lui qu'il l'avait vu monter en voiture avec M. V, pour se rendre à la cour. On était donc informé de sa présentation. Lorsqu'elle entra vers les 9 heures du soir, elle fut aussitôt et pour la première fois appelée au salon. Le succès qu'elle venait d'obtenir avait opéré une petite révolution dans l'esprit de tout le monde. Son bonheur fit le plus grand plaisir à ses amis, et parut en faire davantage encore aux personnes qui ne lui avaient témoigné jusqu'alors que de l'indifférence. Lorsqu'elle raconta les promesses de Sa Majesté et les espérances qu'elle en avait conçues pour la délivrance de son père, on trouva cela tout naturel et fort aisé. Plusieurs des membres de la société s'offrirent généreusement de parler au ministre en sa faveur et de la protéger. Enfin, le contentement parut général, et le joueur de Boston, après que les remises furent achevées, donna lui-même des marques sensibles d'intérêt. Elle se retira bientôt dans sa chambre pour se mettre en prière et pour remercier Dieu des faveurs inattendues qu'elle venait d'en recevoir. Son bonheur lui ôta pendant plusieurs heures le sommeil qui l'avait fui si souvent pour des causes bien différentes. Lorsqu'elle se réveilla le lendemain et que le souvenir de tout ce qui s'était passé la veille rentra dans sa mémoire, elle fit un cri de joie. N'est-ce pas un songe trompeur qui m'abuse? Est-il bien vrai que j'ai vu l'impératrice, qu'elle m'a parlé avec tant de bonté? Les transports de sa joie augmentaient à mesure que ses idées plus claires se débarrassaient des vapeurs du sommeil. Elle s'habilla promptement, et afin de s'assurer encore de la réalité des événements de la veille, elle courut aussitôt ouvrir un tiroir, dans lequel se trouvait l'argent qu'elle avait reçu par ordre de Sa Majesté. Quelques jours après, l'impératrice mère lui fit assigner une pension, et voulut bien elle-même la présenter à l'empereur et à l'impératrice régnante, qui l'accueillirent aussi favorablement. Elle reçut de leur générosité un présent de 5 000 roubles et des ordres furent donnés pour la révision du procès de son père. Le vif intérêt qu'elle inspira bientôt à M. de K, ministre de l'Intérieur, ainsi qu'à toute sa famille, aplanit toutes les difficultés. Cet homme respectable possédait deux avantages qui se trouvent rarement réunis dans les personnes en place. Le pouvoir et le désir d'obliger, et plus d'une fois les services qu'il aimait à rendre, prévinrent les démarches des malheureux. M. de K vit toute l'obligeance qui lui était naturelle à terminer la révision du procès dont il était chargé. Et depuis ce moment, l'intéressante solliciteuse n'eut plus aucune inquiétude sur son sort à venir. Connue à la cour et favorisée du ministre, Praskovy voyait, avec plus de surprise encore que de joie, l'empressement subi que le public lui témoignait. Les ministres étrangers et les personnes les plus considérables de la ville voulurent la voir et lui donnèrent des marques de bienveillance. La princesse Y et Madame W lui assurèrent l'une et l'autre une pension de 100 roubles. Cette faveur générale n'influa point sur sa manière d'être et ne lui donna jamais le moindre mouvement de vanité. Elle avait dans le monde cette assurance que donne la simplicité, j'oserais dire cette hardiesse de l'innocence qui ne croit pas à la méchanceté des autres. L'étude approfondie du monde ramène toujours ceux qui l'ont faite avec fruit à paraître simple et sans prétention. En sorte que l'on travaille quelquefois longtemps pour arriver au point par où l'on devait commencer. Praskovy, simple en effet et sans prétention, n'avait besoin d'aucun effort pour le paraître et ne se trouvait jamais déplacé dans la bonne société. Un jugement sain, un esprit juste et naturel suppléaient à son ignorance profonde de toutes choses, et souvent ses réponses inattendues et fermes déconcertèrent les indiscrets.